190, il y a du nouveau. D'habitude, on a trop de chaises, là, on en manque. Qu'est-ce qui se passe en 1990 pour que ce soit une année déterminante? Qu'est-ce qui va être déterminant? Ça va être déterminant pour qui? Pour l'humain, pour la matière, pour la planète? Déterminant dans quel sens que ça va être? Ah bon, si on regarde au niveau matériel ou au niveau humain, chaque année est déterminante. Chaque mois déterminant, chaque journée sont déterminantes aussi. En 1988 ou 89, tu avais dit que ça allait être une année déterminante. 1990 aussi. Qu'est-ce que 1990 a pour être plus déterminant ou est-ce que c'est déterminant de la même façon que ça l'était en 88 ou 89? Non. Les avantages de... Bon, premièrement, alors, la question 1990, est-ce que c'est parce que c'est 1990 que c'est déterminant? Absolument pas. On est en l'an 3000 pour certaines religions, on est en l'an 1990 à partir de l'an 0 chrétien, même si le Nazaréen est venu au monde plusieurs années avant Jésus-Christ. Et ce n'est pas une question de numérologie. C'est sûr que si on regarde la numérologie, on peut s'amuser un peu, mais on peut s'amuser avec n'importe quoi. Puis finalement, quelqu'un qui est négatif, qui fait de la numérologie, va découvrir que 1990 est dangereux. Quelqu'un qui est positif, qui fait de la numérologie, va découvrir que l'an 90 est bénéfique. Ça n'a rien à voir. J'ai dit que, et ça, en 89, j'avais parlé de vibratoirement, on était en l'an 1990, depuis un petit peu avant novembre. Et puis même en conférence, j'avais dit qu'on était déjà en 90. Novembre, décembre ont été deux mois qui, énergétiquement, ont cette vibration 1990. Et c'est les deux mois qui ont magané ou qui ont changé le plus les dernières décennies. Hein? C'est dans ces deux derniers mois-là qu'on a eu toutes les révolutions du côté du Bloc de l'Est. Et c'était déjà 90. Alors, du point de vue déterminant, au niveau de la conscience humaine, c'est évident, déjà. En 90, on aura encore plus de changements au niveau social, au niveau de la conscience humaine, au niveau de la conscience spirituelle, entre autres, où il y a énormément d'individus qui vont passer de la spiritualité émotive à la spiritualité cérébrale, la spiritualité de l'intelligence. Il y a des personnes qui déjà disent qu'on doit avoir plus d'amour que de mental. Il y a des personnes qui, à un moment donné, n'ont pas été capables de supporter le contact avec l'intelligence supramentale, des personnes qui n'ont pas été capables de supporter astralement, de supporter psychologiquement le contact avec une vision neuve des choses, et ces personnes vont faire ce que la mode fait, font une rétroactivité rétrograde et vont maintenant de plus en plus parler du cœur qui doit être intelligent, de l'amour. Alors que dans les décennies à venir, on devra avoir une intelligence qui aura du cœur. Et même si dans les mots ça semble similaire, c'est totalement différent. Chaque fois qu'un individu qui a un cœur intelligent touche à de l'intelligence un peu trop puissante, il dégringole vers le cœur immédiatement. Alors si tu dis, on parle mental, on parle du mental à mental, et à un moment donné tu me dis des choses que je n'arrive pas à saisir, immédiatement je reviens en te disant, oui mais oublie pas qu'il faut quand même parler d'amour. C'est la clé salvatrice de ces individus. Alors qu'on doit développer une intelligence qui a du cœur, c'est-à-dire qu'on doit devenir intelligent bien avant de devenir aimant. Et lorsqu'on sera suffisamment intelligent, qu'on ne sera plus manipulable par les facteurs émotifs, alors là, on pourra se payer le luxe de redevenir un être humain capable d'amour, mais qui ne sera pas capable, qui ne sera plus manipulable par les facteurs émotifs. Ah. Oui. En 1990, ça veut dire que les gens seraient moins émotifs? Non. En 1990, ce qui va arriver au niveau de la conscience, 1990, qui est le début de près de 14 années déterminantes, où l'humanité peut faire un choix d'homme nouveau ou un choix d'homme ancien, un choix de femme nouvelle ou un choix de femme ancienne, un choix d'enfant nouveau ou un choix d'enfant ancien. Il y a... 1990, c'est une année pivot. Et la décennie 90-2023 est aussi un bloc de 23 ans pivot. Mais on a 14 années majeures où il y aura des possibilités comme l'humanité n'en a à peu près jamais connues. J'en ai déjà parlé dans une conférence réservée aux séminaristes. C'est une année extrêmement importante par le fait que pendant cette année, énormément d'êtres humains conscientisables qui se conscientisent ou qui peuvent être conscientisés. Et quand je dis conscientiser, cela veut dire parvenir à voir les choses telles qu'elles sont et non voir les choses à travers une projection de mémoire, une projection d'archétype, une projection psychologique ou émotive qui déforme continuellement la réalité de l'extérieur. Les conscientisables, ce sont les personnes, hommes, femmes ou enfants, capables d'accepter des choses neuves, capables d'accepter des visions neuves. Et quand je parle de vision neuve, je veux dire une vision qui détruit les vieilles visions. Je ne parle pas d'une transformation du passé dans une mode nouvelle. Bon, ce n'est pas un nouveau visage du Christ que je te présente. Ce n'est pas une nouvelle vision de l'amour. C'est un amour que l'humain n'a pas connu. C'est une liberté dans la conscience que l'humain n'a pas connue. Ce n'est pas une nouvelle façon de supporter la souffrance humaine. Bon. 90, c'est le début, et c'est une année importante parce qu'elle est extrêmement utilisable. C'est une année où l'intelligence supramentale, le contact entre l'intelligence et la mémoire psychologique de l'humain est à peu près égal. J'ai toujours dit que dans l'astral, dans la psychologie, dans les mémoires, l'intelligence qui intervient dans un être humain qui a de la psychologie, tout ce qui est relié à la psychologie ne peut prévoir la mécanique de l'intelligence. Ce que je veux dire, c'est que tous les êtres humains ont de la mémoire. Ils disent à être une femme ou être un homme ou être un enfant parce qu'ils se rappellent des choses. Si je demande à quelqu'un « qui es-tu? » Il va me dire, bien, je suis médecin, je suis mécanicien, je suis infirmière, je suis... Bon, parce qu'il a de la mémoire. Et cette mémoire est toujours en confrontation avec la réalité. Plus l'être humain vieillit, plus il cumule de la mémoire. Plus il cumule de la mémoire, plus il se dit convaincu de ne pas pouvoir changer. Parce que la mémoire finit par prendre toute la place dans la conscience, il n'y a plus de place pour le neuf. Une personne qui se fait tirer aux cartes, qui se fait faire sa carte du ciel, qui se fait faire n'importe quel phénomène de ce genre, qui va voir un voyant, une voyante, un médium, cette personne-là va se faire... le voyant ou le média de lecture va fouiller dans les annales akashiques, dans la mémoire du temps, dans l'atmosphère, dans l'astral planétaire, et elle va déterminer les tangentes, les probabilités de manipulation de l'individu pour l'an 90, ou pour toutes les années. Sauf que chaque fois que l'être humain est passible d'être en contact avec de l'intelligence, donc avec un facteur qui n'est pas mémoriel, quelque chose de neuf, d'instantané, ce n'est pas prévisible par un cartomancien, par un astrologue, par aucune forme de voyance. Vu que ce n'est pas prévisible, cela veut dire que si on fait votre carte du ciel et qu'on dit vous allez avoir un accident cette année, si l'intelligence s'en mêle, vous n'en aurez peut-être jamais, vous allez peut-être être totalement malade, mais aucun voyant n'aura pu vous le prédire. Si le voyant te prédit que tu n'auras pas d'accident, l'intelligence peut s'en mêler aussi? Pas nécessairement. L'intelligence est intelligente. C'est pas con. C'est pas copié sur... je l'ai dit sur ce côté, mais enfin, c'est... C'est pas copié sur l'humain, l'intelligence. Alors, il arrive quoi? Il arrive que l'être humain qui se dit « Oui, mais là, je vis de telle façon depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 50 ans. Il m'arrive ceci, cela, cela. » Et je suis toujours confiné à une insécurité. Je lis la Bible pour connaître l'avenir. La Bible, c'est de l'astral. C'est-à-dire que c'est de la mémoire. C'est une projection. De toute façon, quand on lit la Bible pour connaître l'avenir, on lit l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, ça vient d'Apocalyptos, qui veut dire révélation de choses passées ou présentes. Bon. Parce que Jean de Patmos a dit... dans son Apocalypse, parce que lui a dit que ça viendrait, et parce que les personnes qui ont écrit les Évangiles, qui ont écrit le Nouveau Testament, entre autres, ont préféré conserver une vision actuelle et passée d'une destruction d'une conscience très archétypale de l'âme, ils ont décidé de mettre ça en véhicule noir pour l'avenir. Un avenir de 200-300 ans, parce qu'à l'époque, on ne pensait pas que c'était dans 2-3 000 ans que ça viendrait, ça n'existait pas 2-3 000 ans. Et on a mis ça dans l'avenir pour pouvoir mettre un carcan dans la conscience spirituelle des individus en leur faisant peur. Pour ne pas perdre le paradis, ils vont tout faire pour être les esclaves de l'évolution. On dit que l'apocalypse aurait déjà été vécue. Elle est passée depuis longtemps, celle-là. Ce que Michel de Notre-Dame parle, ce que d'autres personnes vont parler, c'est bien souvent coloré par l'apocalypse de Saint Jean. Mais tous les prophètes disent, après l'apocalypse, l'apothéose. Et de quoi on se nourrit? D'apocalypse, jamais d'apothéose. Mais est-ce que c'est pas trop plaisant s'il y a une guerre, s'il y a n'importe quoi. Nostradamus... Il est mort, lui, toi. Oui, il est mort, mais il a prévu des affaires qui sont arrivées. Un plein? Non. Comment non? Tous les prophètes ont raison uniquement parce que le passé prouve qu'ils ne se sont pas trompés. Alors, c'est extrêmement facile. Moi, je peux vous dire, un jour, un grand tyran viendra et balayera le Québec. Et à un moment donné, il y a une personne qui va venir, qui va faire un autre front de libération du Québec, qui va se ramasser en prison, puis on va lui donner 2 ans de corvée à balayer les rues. Et j'aurais raison, il y a un tyran qui sera venu qui aura balayé le Québec. Mais à un autre moment donné, on dira, il y a une personne qui est venue, qui a... traumatiser des choses, puis que la mitraillette a balayé une rue. Bon, j'ai tout raison. Et ça peut être, en tout cas, ça peut être tellement de choses. Ça peut être teinté de ce qu'on veut que ce soit. Ben oui. Mais il y a quand même des points, si tu regardes tout le livre de Nostradamus, ses prévisions, on parle de prévisions pour 1990, il y en a qui ont des visions, certainement, de ce qui va se passer. Tout est faux. Et... Premièrement, il faut comprendre une chose, c'est que le rôle d'un prophète, d'un apocalyptiseur, son rôle, c'est uniquement de créer des stimulations psychologiques dans les consciences planétaires pour que l'humanité en ait suffisamment peur pour qu'il n'y aille pas. Ça, ce sont les prophètes de bonheur. Il y aura des fléaux par la pollution. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'humanité risque de réagir et de changer, donc de bifurquer, et de s'arranger pour dépolluer. Et là, on va dire, c'est un prophète, un imbécile, ce prophète-là. Et il a totalement eu tort. Son rôle n'était pas d'avoir raison. Son rôle était de créer une bifurcation dans l'évolution d'une conscience humaine. On a d'autres prophètes qui, eux, vont travailler à la Hitchcock, et qui, eux, vont s'arranger pour que l'humain se nourrisse de la prophétie, et là, l'humain se dirige vers la prophétie. Et on aura donc deux formes de prophètes qui vont se lutter les uns les autres. Un qui dit « on doit mourir et on doit avoir un apocalypse », bon, repentez-vous, c'est le temps. Et un autre qui va dire « il y aura ceci, il y aura cela, parce que l'humain est trop stupide. » Bref, devenons intelligents, il l'aura pas. Tandis que dans l'autre cas, il est trop tard, repentez-vous, c'est la seule façon de gagner le ciel, mais vous mourrez pareil. Mais là, est-ce qu'il faut se repentir, là, cette année? Non, il faut se repentir. Il faut se repentir. Qu'est-ce qu'on doit faire pour profiter de la Regarde, vie? Regarde, l'intelligence descend depuis 1967, elle descend depuis un petit peu avant. C'est Jean Drapeau qui avait commandé ça? Non, lui, il voulait bâtir une immense, immense tour avec 80 étages de haut, avec aucun plancher à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il voulait faire avant de s'en aller? Pour que les gens puissent pratiquer le saut en parachute à l'intérieur. Bon. Mais ça, c'est... Chacun ses visions. L'intelligence, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsqu'elle investit la conscience humaine, elle vient fausser toutes les données astrologiques ou les données psychologiques. Même un psychologue qui va, par exemple, rencontrer une personne qui est totalement psychopathe, qui est névrosée, par exemple, encore pire, qui est psychosée, va dire, bon, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Il suffit d'un vrai intelligence qui touche, si génétiquement l'individu peut être touchable, et tout ce qui a été prévu est totalement faux. Et continuellement, même les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, ceux qui sont conscientisables, on a déjà souvent parlé de la corde raide, ils fonctionnaient avec des lois normales de l'ère du poisson en affaires. Ils avaient de l'argent, bon, ils faisaient des dons, ils récoltaient. Il y a certaines choses. Ils ont commencé à se conscientiser, à aller vers le neuf, et là, ils commencent habituellement à perdre leur argent, puis à devenir pauvres, à avoir des problèmes. Et ils vont avoir un grand contrat, l'individu qui signe le contrat se fait tuer. Ils ont un autre contrat, l'autre devient malade, perd son argent, se fait voler. Il y a même, non seulement toi, mais tout ton extérieur, tu commences à être un danger pour l'extérieur. En réalité, tu fais évoluer, mais c'est péniblement évolutif. Parce que l'intelligence commence à s'en mêler et l'individu devient sectionné en deux parties où il ne sait pas quand il doit être ancien, quand il doit être nouveau. Et bien souvent, il se ramasse entre les deux, c'est-à-dire que l'ancien le rejette, puis le nouveau, on veut pas. C'est la corde de raide, qui peut durer des années et des années. 90, tu as dit le nouveau, on veut pas ou il en veut pas? On veut pas. Qui en veut pas? Le neuf. Toutes les lois neuves qui attendent l'humain ne reconnaissent pas encore l'individu qui a trop d'ego, trop de mémoire, trop de psychologie. Okay, c'est le nouveau qui refuse l'individu. C'est ça. L'individu, lui, aimerait bien aller vers le neuf, mais l'individu veut amener toutes ses saletés avec lui. Ça rentre pas. Mais il aimerait bien aller n'importe où, mais il peut pas aller. Ne retourner dans le bord. Il n'y a personne qui veut de lui. Il n'y a plus de conscience qui veut de lui temporairement. 90, ce qui arrive, c'est que... Premièrement, on sait que l'être humain est manipulé de A à Z, depuis continuellement. Même les personnes qui ne sont pas encore convaincues, c'est facile, vous observez votre vie et vous allez découvrir que vous n'avez jamais eu de libre-arbitre. Vous avez toujours été les jouets totales de rien, qui est le phénomène mémoriel planétaire. L'humain est le jouet de l'habitude, le jouet de la tradition, le jouet de l'éducation. On devient raciste parce qu'on l'a appris. On ne peut pas insulter Krishna parce qu'on l'a. On a été éduqué sous le règne de Krishna. On ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. On ne peut pas penser en hébreu parce qu'on n'a pas appris l'hébreu. Donc, notre pensée est limitée à ce qu'on a appris. Bref, on est totalement limité par ce qu'on veut faire. On dit « j'aime les bananes » parce que ton corps physique est capable d'envoyer une saveur particulière au cerveau. Si le corps physique ne le fait pas, tu n'aimes pas les bananes. Ce n'est pas un choix que tu fais. « Ouais, mais j'ai décidé de me lever le matin. » C'est parce que tu étais couché. Bon. Puis, il reste couché toute ta vie. Ça n'a pas d'allure. Ben, c'est ça. Tu es manipulé. Parce que l'homme est orgueilleux, la femme aussi, ils vont dire, ben voyons donc, c'est quand même moi qui ai décidé que j'achetais cette automobile-là. Pourquoi tu l'as achetée? Ben, parce que premièrement, elle me plaît. C'est ça. C'est ça. Si tu aurais appris que le rouge, c'est mauvais, tu n'aurais pas acheté une automobile rouge. T'sais, c'est pas un choix que tu as fait. Ben, c'est parce qu'en plus, ton budget, c'est parce qu'elle avait telle affaire de sécurité. Oui, c'est parce que tu as appris que c'était sécuritaire. Tant mieux! Mais si tu ne l'aurais pas appris, tu ne l'aurais pas acheté. C'est comme il y a des personnes, à un moment donné, qui achetaient une automobile, puis à chaque fois qu'il y avait une collision par en arrière, elle explosait. Ben, toi, s'il avait su, il ne l'aurait pas acheté. Alors, toutes les raisons qu'il aurait pu donner pour l'acheter étaient brûlées par l'explosion. Mais si on achète ou on vit par les mémoires... Totalement. Ta femme ou ton mari, tu le choisis pourquoi? Ben, parce que je l'aime. T'as-tu choisi de l'aimer? Ben non, je tombe en amour. C'est ça, je te dis. Bon, alors tu dis, oui, mais parce que je suis en amour, je décide que je reste avec. Non, reste pas avec, tu seras pas capable. C'est facile de dire c'est parce que je. Et là, le problème que ça engendre quand on dit le parce que je, c'est que à chaque fois que l'être humain se fait fourrer, quand l'être humain fait des bévues, des erreurs, quand l'être humain dit manquer son coup, il se sent coupable. Puis au lieu d'évoluer, de prendre l'énergie que la vie lui apporte pour grimper, il se gruge en culpabilité. Juste parce qu'il est convaincu que c'est lui qui a décidé. Toutes les erreurs que vous avez faites, si vous auriez su, vous ne les auriez pas faites. C'est ça que je dis. L'humain est manipulé. On lui donne juste les informations qu'il faut pour qu'il fasse exactement ça. Alors c'est sûr, on prend des décisions en fonction de ce que l'on sait. Mais comme on ne sait rien, alors imaginez-vous bien que nos décisions sont vraiment dangereuses. L'intelligence instantanée te permet de savoir une chose lorsque c'est nécessaire que tu le saches sans avoir à l'avoir appris avant. De ce fait, elle n'est pas prévisible par la mémoire, c'est-à-dire par les habitudes ou les traditions religieuses planétaires, par l'astral planétaire, par la conscience planétaire. De ce fait, chaque fois qu'un être humain se fait investir d'intelligence, son comportement est un comportement neuf. Même s'il est coloré par de l'ancien, par du vieux. Il crie encore. Mais maintenant, il crie parce qu'il crie. C'est neuf. Il ne pose pas les vieilles questions traditionnelles. D'où je viens? Pourquoi je vis? Où je vais? Il se pose la question, pourquoi je pose ces questions-là? C'est différent. Les réponses doivent être neuves. Les réponses sont toujours remises en question. Mais plus facilement que dans le passé, l'humain est neuf. En 90, mais énergétiquement, c'est commencé depuis deux mois et demi, l'intelligence qui descend chez l'homme a à peu près la même puissance que l'astral, que la mémoire qu'il habite déjà. Et ça, ça va créer un phénomène extrêmement intéressant qui est celui du pivot. Pendant les 4 4,5 milliards d'années précédentes, nous avons totalement été les jouets de la mémoire. Dans l'Antiquité, on adorait les ancêtres, le culte des ancêtres, parce qu'on apprenait cela. On adorait les montagnes, il y avait une montagne sacrée, il y avait l'orage, les éclairs, c'était épeurant, c'était dangereux, c'était Thor, c'était telle divinité, parce qu'on l'avait appris. Mais l'expérience cumulée de l'humanité finit par nous faire dire qu'après 2000 ans de peur de l'éclair, il ne s'est jamais rien passé. Fait que là, le Dieu commence à être banni. Puis 200 ans plus tard, ça devient une science, c'est plus une religion. Et puis c'est pourquoi, à un moment donné, on finit par bannir la spiritualité, uniquement par le fait que la spiritualité est la compréhension émotive de l'univers. Mais la science, elle est problématique aussi, c'est la compréhension cartésienne, mais elle ne peut pas fouiller là où les appareils scientifiques ne vont pas, ce qui coupe déjà une partie de la connaissance. Parce qu'on est dans un phénomène pivot, dans les années à venir, disons à partir de 97 en montant, mais les chiffres, l'avenir est très très très fluctuant, l'intelligence, chez ceux qui sont conscients du sable, va être tellement implantée que, après avoir été manipulés par de la mémoire, nous allons être manipulés par de l'intelligence. Mais entre les deux, entre maintenant et ce temps, alors que nos mémoires sont capables de lutter contre l'intelligence, mais ne sont plus capables de gagner, et que l'intelligence est maintenant suffisamment capable d'altérer la mémoire pour l'empêcher de continuer à nous faire faire du chocolat, bon, il arrive quoi? Il arrive que le mental de l'homme, le mental de la femme, le mental de l'enfant est capable de créer une énergie qu'on a déjà parlé, qui est supposée exister, qui existe, mais qui n'existe pas dans le contexte de l'âme, et qui est une énergie qui, ésotériquement, porte le nom d'énergie bouddhique. L'énergie bouddhique, c'est théoriquement l'endroit où il y a de ce que l'humain appelle de l'amour gratuit. Mais sur la Terre, il n'y a pas d'amour gratuit. Une personne qui fait du bénévolat parce que ça lui rapporte personnellement, ça lui rapporte moralement. Elle travaille avec les enfants, quand elle aime plus les enfants, elle travaille plus qu'eux autres. Elle travaille avec les personnes âgées, quand elle les trouve trop tannants, elle les lâche. Elle fait du bénévolat pour, et elle se dit que c'est altruiste. Mais ce n'est pas altruiste, elle récolte. L'amour gratuit n'existe pas. Et l'amour gratuit sur la planète Terre ne peut exister tant qu'il n'y a pas d'intelligence. Parce que ici, une seule personne veut exprimer de l'amour gratuit, vous allez avoir près de 5 milliards de prédateurs rapaces qui vont vous sauter dessus pour vous profiter de vous, mais alors là, de A à Z. Ils vont prendre vos vêtements, votre vie, votre sang, ils vont tout prendre. Ah, ils vont en profiter. Quand une personne est juste incapable de dire non aux autres, elle se fait exploiter par tout son entourage qui l'aime. Quand elle commence à dire non, on commence à trouver qu'il y a un chien, qu'il y a un cave, on comprend pas, on l'aime moins. Là. Surtout ceux qui l'aiment beaucoup. Oui, évidemment. Alors, ce qui arrive, c'est que l'amour gratuit, non. Mais être capable. J'ai déjà expliqué que l'intelligence fromentale, c'était de l'intelligence. C'est-à-dire que c'est exactement comme un planteur de clous. Toi, tu montes un mur, puis le planteur de clous plante des clous tous les pieds. Quand il arrive exactement où ce qui est à main, c'est là qu'il doit mettre un clou, il plante un clou. Il continue. Il est intelligent. C'est pas encourageant, ça te dit que c'est l'intelligence qui nous contrôlerait plus, qui manipulerait en 1990. Oui. On est mieux de garder nos mains dans nos poches. À partir de 90, il y aura 90 à 97 approximativement, mais 90 c'est évident, il y a un équilibre entre les deux qui va permettre des choses que je vais expliquer. L'intelligence, qu'est-ce que ça fait? L'intelligence, ça fait que vous avez de l'ego. Vous êtes toujours en train de chialer pour rien. Vous avez la capacité de comprendre des choses. Vous êtes utile, mais vous êtes inutilisable parce que trop d'émotions, trop de mémoire, trop de colère, trop de haine, trop de peur, trop d'angoisse, trop d'etc. Même trop d'amour. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive qu'à un moment donné, vous comprenez l'absurdité de chialer, par exemple, parce qu'il pleut. Vous comprenez ça. Mais vous chialez toujours. L'intelligence a besoin maintenant de votre véhicule, donc de vous. L'intelligence, c'est votre esprit. Bon, ça a besoin du véhicule. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe simplement que vous chiolez à cause qu'il neige. Parfait. Tu vas prendre le champ de ton char, tu vas te ramasser dans la neige, dans le bas de la neige. Tu vas dire, oui, mais c'est pas intelligent. C'est pas intelligent pour l'automobile. C'est pas intelligent pour ton petit ego qui comprend pas. Mais c'est intelligent du point de vue évolutif, cosmique. Parce qu'il faut faire attention. Du point de vue de la cellule, Quand le bistouri du chirurgien vient la couper en deux, c'est pas intelligent. Mais du point de vue du corps au complet, quand il faut couper pour aller ôter une appendicite qui est inflammée, c'est intelligent, maudit. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire belle attention quand on parle de l'intelligence, parce qu'on est toujours porté à trouver que c'est inintelligent ce qui nous arrive, même si on dit que c'est de l'intelligence qui crée cela. Comme c'est intelligent qu'il y ait du terroriste en Europe, parce que le terroriste international obligerait les communautés européennes à s'allier dans un seul pays à un moment donné. J'en ai déjà parlé il y a 3 ans. Mais du point de vue de celui qui reçoit des particules de bombe en plein visage, l'intelligence, il n'y en voit pas. Il y a des cellules, l'humain, et on parle d'une évolution planétaire, d'une évolution qui s'échelonne sur les 500 prochaines années, minimum, si on veut comprendre ce que c'est que l'intelligence. On ne peut pas comprendre l'intelligence à partir de l'année 90. Parce qu'à un moment donné, certains qui sont riches seront pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de supporter l'idée que la matière n'appartient à personne, qu'ils sont des gardiens et des passeurs de matière. Tu n'en as pas besoin, ça ne sert à rien que tu en ailles en banque. Oui, mais ça me sécurisait, justement. C'est pas l'argent qui doit te sécuriser, c'est quelque chose d'autre. Mais est-ce que les années, les 7 années à venir, vont nous... On va se faire éduquer par l'intelligence de cette façon-là? On se fait déjà éduquer. Ouais, ça, moi, c'est-à-dire qu'on se fait casser la gueule par l'intelligence. Juste pour savoir si j'ai un accord pour 7 ans. Là. Oh, mais toi, t'as quand même un très beau karma. Oui. Parce que t'es une corde raide qui lâche pas. Non, c'est ça. Qui monte. Oui, mais quand même. Mais il arrive ceci. Tu dis qu'on va se faire. On va apprendre, par exemple, à arrêter de chialer contre la neige, puis on va l'apprendre en sautant dans une bonne neige. Non, non, tu vas apprendre. Tu vas finir. On pourra pas l'apprendre autrement. Comment? Parce qu'il y a tellement de personnes qui me disent « Oui, mais si on me dirait clairement ce que je dois faire... » C'est ça que j'aimerais, moi. Puis moi, on se le fait dire tellement souvent, clairement, ce que l'on doit faire. Puis il n'y a rien à faire. Vous avez des caries? Vous savez quoi faire, hein? Vous n'êtes pas capable? Puis tu veux faire plus? Voyons. Nicolas Burman l'estomac? Savent quoi faire, hein? Il y en a qui sont chauds, sous, se cassent la gueule, ils se blessent, savent quoi faire? Ils bouffent plus. C'est l'humain sait quoi faire. Mais l'humain ne le fait pas. Pourquoi? À cause de la mémoire. Quand je dis, puis ça, il faut faire attention, si l'humain le sait, puis l'humain le fait pas, c'est pas que l'humain est stupide. Un être stupide ne le saurait pas quoi faire. Si l'humain le sait quoi faire, c'est que l'humain n'est pas stupide. Alors pourquoi le fait-il? C'est parce qu'il est manipulé. Bien, c'est ça. Bon, mais cette manipulation-là, elle est mémorielle. Vous avez 35 millions de personnalités réincarnatives, des mémoires de toutes vos lignées génétiques qui vous manipulent régulièrement à partir des cellules, comme à partir du canal réincarnationnel, à partir de tout ce qui se réincarne 24 heures sur 24 chez nous, à partir des mémoires, à partir du collectivisme, à partir de l'idée de la mode, à partir de tellement de choses. Et on se plaint. Collectivement, on est d'accord pour parler du mauvais temps. Puis du beau temps. Alors que ni beau ni mauvais dans le temps. Tu sais, dans le climat. Il faut qu'il pleuve, il faut qu'il neige. Quand il pleut trop, on se plaint. Puis quand on augmente le prix de l'électricité parce qu'il manque d'eau, on se plaint. On aimerait que Dieu fasse les choses un peu mieux. Mais Dieu n'a rien à faire. Et c'est, nous l'avons créé en grande partie à notre image, celui avec lequel on communique. Les pieds de Dieu, que je dis souvent. L'être humain, ce qu'il va faire en 90, l'opportunité qu'il a, c'est que l'année est un pivot. Lorsque l'intelligence va vouloir l'instruire d'une certaine chose, l'intelligence, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle plante des clous là où elle doit en planter, et l'intelligence ne se fait pas de problème avec la misère humaine. C'est extrêmement intelligent qu'en Éthiopie, crève de faim, que dans certains pays, il y a des guerres régulières, parce que les individus vivant uniquement la même expérience, génération sur génération, dans le monde de la mort, leur expérience, qu'on appelle l'âme, mais dans le monde de la mort qui est dissoute, se fusionne, et cela va engendrer progressivement l'extinction d'un peuple sans qu'il y ait eu de guerre pour l'éteindre, ce qu'Adolf Hitler n'avait absolument pas compris. Il y a énormément de choses qui sont intelligentes si on comprend la pathologie planétaire comme un chirurgien devrait la comprendre. Sauf que maintenant, y a-t-il possibilité d'inventer... Bon, je dis, l'intelligence prémentale descend chez vous, elle vous coupe le une partie de l'abdomen et elle vous ôte un appendicite aigu. C'est brillant. Le problème, c'est que l'intelligence, elle est intelligente. Elle descend et elle vous charcute. Elle ôte tout ça, elle recoue tout ça, et voilà, c'est fini. Pas d'anesthésie. Voilà. Elle a oublié d'anesthésier. Ça, je t'assure. Oui. En 90, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on va... l'équilibre est atteignable pour énormément d'individus, ou on va être capable d'opposer suffisamment d'énergie à caractère humain pour pouvoir dire au chirurgien « Coupe, j'ai rien contre. Mais j'aimerais que tu t'arranges pour que je n'en souffre pas. » Lui va dire « Oui, mais tu vas mourir si je te coupe pas. » Je comprends tout ça. J'ai rien contre d'évoluer. J'ai rien contre de me faire taper dans l'ego pour cesser d'être jaloux de ma femme. Pour, par exemple, en tout cas, il y a tellement de choses qu'on devrait changer, on pourrait en parler longtemps. Je n'ai rien contre. Mais pourquoi dois-je continuellement souffrir sur toutes les facettes? Je dois apprendre à me libérer d'un amour manipulatif. Alors, mes enfants se suicident, mon mari ou ma femme se drogue. Et bon, tu dis, est-ce qu'il y a une autre façon d'apprendre? Oui. Mais l'autre façon, qu'est-ce qu'elle est? L'autre façon, ce n'est pas en te le disant, tu ne comprendras rien, tu as trop de mémoire. Faut que l'intelligence te tape dedans. La problématique, c'est que si l'intelligence te rentre chez toi, puis qu'elle finit par te dissocier progressivement de l'attachement mais dangereux que tu as face à ce que tu aimes, c'est ceux-là qui vont commencer à payer le prix. Et là, c'est l'astral, c'est la conscience collective qui va commencer à aller travailler pour qu'on te récupère toi à l'involution. Ce que l'humain va pouvoir faire prochainement, c'est qu'il va être capable d'instruire l'intelligence de certaines voies qui sont esthétiques du point de vue de l'homme, de la femme et de l'enfant dans l'évolution. Exactement comme tu dis, on a deux possibilités de faire la chirurgie, on la fait directement ou on anesthésie. On a deux possibilités de faire évoluer un peuple. On rentre dedans, on impose l'armée, on les fouette, on les bat, on tue tous les vieux, puis on comprend les jeunes, on les met dans des maisons extrêmement fermées, on leur lave le cerveau vers l'intelligence, ils pourront pas être intelligents, ils vont sembler, ils vont être savants. Assez âgés, ils vont engendrer des enfants, on tue les adultes, les enfants recommencent, après 20 générations, sont intelligents. Ça peut se faire, c'est ce qu'Hitler voulait faire. Il pensait faire ça en 2-3 ans. Bon, ben. Sauf qu'il y a une autre façon. L'autre façon, c'est de pilonner la conscience planétaire pour obliger une mutation inconsciente à l'échelle de l'humanité et obliger une mutation inconsciente dans la structure même de la programmation astrale. Et c'est ce que j'appelle néotyper le monde de la mort. On a les archétypes, on doit créer des néotypes, des nouvelles formes. Néotyper, il y a une façon facile là-dessus, c'est d'être des respireurs. Hein? Tout ce que tu as à faire, c'est de respirer. Bon, le carbone et l'oxygène, qui est un très, très grand porteur de mémoire, ben, si tu la respires convenablement, tu la mets dans l'atmosphère, puis les autres individus vont la respirer aussi. Ils vont être altérés dans leur conscience, ils rejettent aussi leur propre programmation, et qui va aussi venir t'altérer. Tu dois donc être... En 90, l'avantage qu'il y a, si on parle clairement, l'homme, la femme, l'enfant vont être capables de commencer à faire des pourparlers avec l'intelligence. C'est l'ego qui va négocier avec l'intelligence? C'est l'ego qui, ajusté par le mental, va négocier avec l'intelligence, et c'est l'intelligence qui, ajusté par le mental, on peut appeler ça ajusteur de pensée d'un bord, ajusteur psychologique de l'autre, les interpréteurs entre les deux, c'est il y aura une communication par le mental entre les deux. L'humain aura la capacité de supporter une forme de réponse qui va lui permettre de consolider une évolution moins souffrante, ce qui n'est pas connu. Mais là, c'est comme s'il faisait la paix. l'ego et l'intelligence. C'est ce qui va arriver. Mais tu as déjà dit dans des conférences... C'était pas en 90. Antérieure, je sais que c'était pas en 90. Que le jour où la Russie et les États-Unis s'assoiraient à la même table pour négocier la paix, ce serait dangereux pour une guerre. Non. J'ai dit que lorsque les pays, les grandes puissances vont s'asseoir à la même table pour parler de paix, on va avoir quelques années devant nous pour se préparer. Est-ce que c'est la même chose pour la paix, la trêve entre l'ego et l'intelligence? Non. Présentement, il y a une paix entre les deux uniquement pour permettre à un dieu quelque particulier de pouvoir cristalliser sa guerre sainte, dynamiser ses fidèles, et après ça, pouvoir entrer en conflit mondial contre des grandes nations qui se seront désarmées les unes envers les autres et qui ne seront plus maintenant suffisamment armées pour se défendre contre un troisième ennemi qui n'est pas prévu. Bon, mais ça, c'est ce qui arrivera si l'humanité ne bifurque pas. Mais l'humanité n'a pas de choix, n'a pas de libre arbitre. Justement, à partir de 90, donc il y a quelques mois, ceux qui se conscientisent vont commencer à avoir un libre arbitre. C'est ça qui fait la nuance. À nouveau, ça. Oui. Dans le passé, tu étais manipulé par tes mémoires, par tes peurs, par tes désirs, par tes projections, par etc., par les autres aussi. Dans quelques années, tu seras manipulé uniquement par l'intelligence. Entre-temps, il y a l'équilibre entre les deux. Et l'équilibre entre les deux, c'est exactement comme si tu tournes dans un sens, tu n'arrives pas à te tenir debout pour pouvoir changer de place parce que la gravité te propulse carrément sur les extrémités. Tu comprends? Oui. C'est une plaque tournante, tu es écrasé. Bon. Là, la plaque, elle va ralentir suffisamment parce que la force qui tend à la faire tourner dans l'autre sens commence à ralentir celle qui l'a fait tourner dans le premier sens. À un moment donné, il y aura suffisamment d'équilibre que ta plaque va ralentir à un point tel qu'elle va s'immobiliser pour repartir dans l'autre sens. Le temps où elle se sera immobilisée, ce sera le temps là de partir, de sortir de Talada puis rentrer dans une Rolls-Royce. Ce sera le temps là de bouger. Et ça, ça va durer quelques années. On dit crime quelques années, c'est comme un grand, grand, grand arrêt. Non, après des milliards d'années en arrière, quelques années, ça paraît pas. Et après ce qui vient en avant, ça paraîtra pas non plus. Mais ça, ça donne bien que nous sommes présents dans cette époque particulière qui commence en 90, où il y aura suffisamment de ralentissement, de stabilité entre ce qui descend et ce qui monte, entre ce qui évolue, l'intelligence entre autres, et ce qui évolue l'humain, pour que plusieurs mouvements puissent se faire. C'est l'année décisive pour énormément de personnes pour que celles-ci puissent changer totalement de façon de vivre, de façon d'être. Je parle du point de vue interne, physique et matériel. Hein? Va-t-il avoir assez de Rolls-Royce pour tous ceux qui se dirigent vers ça? Ceux qui sont dans les Rolls-Royce actuellement, parce que tu as déjà dit aussi que... Il y en a qui vont débarquer. Qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont tomber? Ben, ils vont tomber. Est-ce qu'ils seront plus là? C'est pas important. Mais il va y avoir de la place pour ceux qui ne sont pas dedans. Ça, c'est des questions niaiseuses. Peut-être, mais j'aimerais ça une réponse niaiseuse aussi. Parce que mécaniquement, il va y avoir un certain nombre. Il y a toujours eu un certain nombre d'individus qui ont un karma blanc, un noir, un beige, un drabe, un drabe, c'est pour le plus vieux, ça. Il y a eu des postes. Ce que tu veux me dire, c'est que tu espères, tu crois, bref, tu insistes sur l'idée que si, à un moment donné, ça va un petit peu mieux pour certains, ça devra aller un petit peu plus mal pour d'autres. C'est ça. C'est ce qui va arriver. OK, tu sais, parlez-en pas, ceux que ça va bien. Qui nous laissent non, pas. Ceux que ça va bien, ça peut continuer à aller bien, mais jusqu'à là, tu ne sais pas vu. Mais qu'est-ce qui va leur arriver, eux autres? Pourquoi eux autres, ils vont aller en reculant? Qu'est-ce qu'on a à foutre de parler de ce qui va leur arriver, eux autres? Mais d'un coup, il y en a deux ici que ça va bien. Il y en a ici que ça va bien. Mais si je conscientise, puis si on commençait à se conscientiser en 90, ils n'auront pas passé parce que par où tu es passé, par où un paquet d'autres sont passés. Tant mieux, c'est impeccable. Ceux que ça va bien, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va aller mal. De moins en moins, ça va être comme ça. Mais c'est évident que ceux qui ont commencé à se conscientiser il y a quelques années, la majorité, ça paraît pas. Mais va fouiller plus intimement chez eux, tu te rends compte que ils se sont fait initier pas par Dieu, par plusieurs dieux. Ah, ils ont eu des expériences très intéressantes, d'un égoïsation, de fond d'ego. Sauf que ces individus deviennent des martyrs de la transition supramentale, ça devient des MTS, et ces individus doivent absolument s'arranger pour cesser de s'identiser, hein, les sinistres individus dominés par l'astral, cesser de continuellement perdre leur énergie, de leur temps, à trouver des moyens de détruire ceux qui montent pour pouvoir se donner l'illusion qu'ils sont encore hauts. Parce que dans le passé, il y a toujours eu deux façons de monter. Tu prends l'ascenseur, tu montes. Ou tu restes un palier fixe, tu attends que les autres descendent. Là, tu es en haut. Bon. Du point de vue de l'intelligence, tu montes, il n'y a pas de compétition, on ne regarde pas autrui, tu dois améliorer ta condition. Quand je parle de ta condition, je parle matériel, ce qui fait frémir énormément beaucoup de personnes qui ont toujours voulu évoluer. Voyons donc, être riche, c'est un péché d'être pauvre. Bon. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas exprimer d'intelligence, tu ne peux pas t'éveiller, t'ouvrir, tu ne peux pas foncer, tu prends des vacances sans tes enfants, tu as tellement de conneries. En plus, tout ton temps de vie est passé à la survie. Ça, c'est l'animal humain. Je ne dis pas que c'est de ta faute, c'était de même. Ça n'a rien à voir. Ce que je dis, c'est qu'on doit cesser de remercier Dieu d'être pauvre. Bon. On doit s'arranger pour être riche. Et je l'ai toujours dit, riche, c'est avoir l'argent qu'on a besoin et le temps pour s'en servir. Celui qui a de l'argent et qui n'a pas le temps, il est pauvre. Celui qui a du temps et qui n'a pas d'argent, il est pauvre. Alors, il y a un équilibre. Et ça, seule l'intelligence peut l'accomplir, l'équilibre. Parce que l'individu qui commence à ramasser de l'argent, il n'a jamais assez. Il travaille. Il a peur, travail. Celui qui a du temps, ben finalement, il n'ose pas travailler, mais il n'aura pas grand-chose d'autre non plus. L'individu doit aller chercher les deux, être riche. Comment on fait quand on n'est pas habitué à être manipulé par l'intelligence pour savoir, parce que là, comme tu disais tantôt, ça va être moitié-moitié à peu près, ou de forces semblables entre l'intelligence et l'astral. Fait qu'on va être encore manipulé par l'astral d'un côté, puis encore manipulé, de plus en plus manipulé par l'intelligence. Puis là, quand la roue va arrêter de tourner, si on veut changer de direction ou changer de boîte, comment on va faire pour savoir que ça, c'est une influence de l'astral ou du supramental? Si je parlerais spirituellement, je dirais que l'an 1990, 91, 92, là, mais je préférais faire la conférence début que de la faire à la fin, t'sais, vous avez manqué votre coup. 90, pour parler de cette année-là, si on voudrait parler spirituellement, on pourrait dire que c'est l'année, avec les quelques autres, mais disons, c'est l'année où, pour parler spirituellement, où les élus vont être choisis. Pour parler spirituellement. Il n'y a pas d'élection là-dedans. Bon. Puis il n'y a pas 144 853 élus. Ça, c'est ce qui va rester dans plusieurs années. Bon, après des fusions réincarnatives. Ce que je veux dire, c'est que c'est le temps d'être suffisamment en harmonie avec le concept que l'on a de ce que l'on devrait être. C'est le temps parce que là, on aura plus d'opportunités de le devenir. Ça va être un petit peu plus vrai que si tu fais comme si tu l'avais, tu vas l'avoir. Ça va être de plus en plus vrai pour ces individus-là. Ça ne fonctionnera pas du point de vue de ceux qui évoluent spirituellement, donc astralement, mémoriellement. C'est-à-dire que le fidèle à un Dieu, plus il va demander, moins il aura. Plus il va faire comme s'il l'avait, plus il perdra. Ça va tomber dans l'autre cycle, dans le cycle de ceux qui évoluaient par l'intelligence. De plus en plus, c'est ce qui va arriver. Quand ils vont sécréter dans une direction, ça n'arrivera pas. Puis celui qui est à influence supramentale, lui, va pouvoir recommencer à sécréter? Non. Ben non, il ne sécrétera pas, il n'y a pas d'ego. C'est ça. Si tu sécrètes, c'est que tu as de l'ego. Donc, tu ne sécrètes pas. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on veut dire par sécréter, c'est que chaque fois que l'être humain a une projection psychologique, il y a une sécrétion endocrinienne qui se fait. Celui qui se conscientise, lorsqu'il commence à dire « crime, je vais faire ceci, puis ça va être bon », puis là, il commence à en parler, le corps a des hormones, et on sait qu'une des lois de la conscientisation, c'est que si tu sécrètes vers quelque chose où tu veux aller, tu le détruis. Parce que vu que tu en es déjà nourri, tu ne vivras pas l'expérience. Alors, c'est préférable, et c'est ce qu'on a fait à un moment donné, de sécréter négativement. Là, on commence à parler de ce qu'on ne veut pas avoir. Ouais, mais ça va être, c'est débile, puis c'est ce qui va nous arriver, puis ouais, mais c'est con, puis on sécrète là-dedans. Là, on détruit ça. Il reste quoi? Pas ce qu'on voulait, mais il reste la direction qu'on voulait aller. Mais au moins, c'est positif, ça construit, ça monte la côte. Pas dans le sentier qu'égoïquement t'aurais voulu, mais ça monte. Tu l'as l'ascenseur bleu, tu es dans le petit tramway jaune. Au moins, tu montes. Mais plus ça va aller, plus l'être humain qui se conscientise va avoir la possibilité d'atterrir des choses. Et là, c'est donc de plus en plus vrai. C'est pourquoi c'est important qu'on le comprenne. C'est que ce sont des années. 90 est une année assez déterminante. Parce que en 90, c'est quand même 350 quelques jours. L'année va faire en sorte, et c'est compliqué à dire parce que ça se spiritualise facilement. Je n'aimerais pas qu'on comprenne ça en tant que personnalité. C'est pas un individu, un être humain, un être extraterrestre, une divinité qui va commencer à choisir. Ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire, c'est les meilleures élections qu'on peut faire, c'est que ceux qui le méritent gagnent. T'sais. C'est pas personne qui choisit, c'est pas à cause que vous avez le névrose que vous gagnez. L'individu qui, en 90, va tout faire pour intelligencer les choses. L'individu qui va tout faire pour essayer de voir l'intelligence de ce qu'il devrait faire. C'est ça, intelligencer les choses. Cet individu-là, qu'il réussisse à l'exprimer ou non, gagne. Parce que plus ça va aller, plus il va l'exprimer. Vous chialez. Bon, dernièrement, j'ai parlé avec une personne et je lui disais que c'était totalement stupide, le chiolage. On le sait tout. Elle aussi, elle le sait. Mais là, elle me dit, oui, mais tu sais, mettons que tu es en train de travailler sur ton ordinateur, là, d'un coup, là, tout saute. Tu sais, c'est quand même, il faut être stupide pour pas chioler au moins 30 secondes. Ça arrive-tu, ça? Ça arrive plus. Mais non, justement, même si vous chiolez 30 secondes, même si vous chiolez 5 secondes, c'est stupide. La personne me dit « Ah oui, mais j'aimerais bien savoir, moi, si tu chiales ou non. » Avec moi, t'as dit que les gens comprennent rien. Même si moi, je chiale, ça reste que c'est stupide. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne à un moment donné. Alors, si moi, à un moment donné, je chiale, c'est stupide. Je ne suis pas stupide, je le sais que c'est stupide. Mais si je chiale, c'est stupide. C'est pas parce que moi, je chiale qu'on peut chialer, là. Mais ça... C'est dangereux aussi si on adopte cette attitude-là sans bien comprendre qu'on tombe dans une attitude défaitiste. Puis dire, ah ben oui, c'est normal que ça m'arrive, c'est normal que ça me tombe sur la tête. Puis bon, pas le alors, on ne doit jamais rien accepter non plus de devenir tolérant. Tolérer, ça veut dire que je tolère. Je veux dire que ça change. Mais quand ça sautait dans mon ordinateur, qu'est-ce que je faisais? Ben, à un moment donné, je sauvegardais plus régulièrement ce que j'écrivais. Ah, ça sautait encore, mais je perdais beaucoup moins. Alors, puis à un moment donné, ben là, quand ça sautait, c'est comme ça, c'est le Don-Québec. Puis le Don-Québec, longtemps, quand j'écrivais un certain livre, il s'amusait à couper l'électricité pour 3 secondes. Tout tombait. Tout revenait. Bon. Et quand tu recommences tout, tu demandais tout tombait. Tout revenait. Mais c'est juste pour t'amuser. Mais c'est comme ça. Puis là, ça sert à rien de se dire pourquoi ça m'arrive, pourquoi si, pétinguin. Ça, c'est une statisation, ça démolit. Qu'est-ce que tu fais? Tu remets tes disquettes, tu remontes ton ordinateur. C'est tout. Ou encore, tu arrêtes aujourd'hui. Tu sais, qui continue le panne. Les pannes arrêtent aussi. Mais c'est pas grave, tu sais, tu prends un break. L'être humain a la possibilité, à partir de 90, de devenir beaucoup plus concrètement ce qu'il attend, ce qu'il espère astralement et ce qu'il attend mentalement depuis quelques semaines à plusieurs années. Énormément de personnes, c'est le temps pour se forcer à appliquer parce que ce sera le temps déterminant où par la suite, les individus qui auront travaillé suffisamment vont récolter énormément dans les années à venir, c'est-à-dire que ce seront des êtres humains qui seront, je prends le terme transportable, ça résume bien des choses, là, mais ce sont des êtres humains qui seront particuliers. Est-ce que les gens qui ont toujours senti, par exemple, une personne qui dirait, moi, j'ai toujours vibré à la musique, j'aurais voulu être musicien, je suis dentiste ou peu importe, est-ce que les années de 1990 à 1997 vont comme c'est des années pivot, comme 1990, c'est une année pivot, on fait en sorte qu'il y ait des réalignements de carrière, réalignements de vie. Celui qui n'était pas marié, qui voulait l'être, qui va l'être. Celui qui l'était, qui ne veut plus l'être, qui ne sera plus. Bon, il y aura ce genre de choses, mais ce n'est pas... C'est au niveau de la trame même de l'individu. C'est chaque personne qui se conscientise peut profiter de ces années pour changer profondément. L'individu, par exemple, qui est alcoolique, ça fait 20 ans qu'il veut cesser d'être alcoolique. Cette année, là, c'est le temps de recommencer une autre fois à vouloir cesser. Il va fortement réussir. Alors, tu dis, oui, mais j'ai toujours... C'est le temps, là. Là, c'est le temps. Parce que pendant longtemps, ce qu'on faisait, c'est que tu es dans le désert, et puis on t'entendait parler. Bon, il n'y avait rien de désert, même pas de toilette, il n'y avait rien. Tu essuyais du sable. Et puis à un moment donné, il y a un avion qui passe, puis il a plein de journaux, de revues, de Times, de Paris Match, toujours en pleine face. Bon, on sait pas lire, mais on sait regarder les photos, par exemple. Alors ça, c'était l'évolution pendant les dernières années. Hein? Wow! Après ça, ben, t'as envie d'aller aux toilettes, t'as côté sur encore une sorte. L'on te vend tes nouvelles toilettes. Tu peux prendre le Times. Des toilettes avec, qui flottent comme du coton, tu sais, bon. Qui ressemble à un oiseau, l'oiseau passe, puis il est essuyé, tu sais, t'imagines bien l'affaire, bon. Sauf que tu n'as rien, t'es dans le désert. Et plus ça va aller, plus on t'envoie des trucs en te disant, c'est l'avenir, c'est bien vite, là, notre société, on va venir bâtir une ville chez vous. Mais on dit bien vite, c'est le même matin. 25 ans après, tu n'y crois plus. Puis mais les journaux t'en laissent encore, mais il faut que tu saches une chose, c'est que ces mots du journaux-là, ils viennent de quelque part. Ça fait que ça doit exister quelque part. Tu sais, les photos, les images qu'on a, mais ça doit exister, il y a quelque chose qui va quelque part. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas là, uniquement parce que si on vient te mettre un four à micro-ondes, tu vas faire comme plusieurs, tu vas allumer ton petit feu dedans. Fait écoute, t'es bebelle, tu sais, faut t'évoluer aussi avant qu'on t'amène l'affaire. Sinon, ça ne servira à rien. Alors l'intelligence ne peut pas arriver puis tout te donner. Tu le crues comme ça, tu ne peux pas rien faire avec ça. Mais en 90, on a commencé. Regarde, combien de personnes voulaient que le mur de Berlin tombe? Il n'est pas tombé, on l'a démoli, mais c'est similaire. Combien de personnes du Bloc de l'Est voulaient vivre quelque chose de différent? Et en 2 mois, des choses totalement impossibles. Quel cartomancien avait prévu ça? Aucun. Hein? Regarde, ceux qui ont fait les prophéties de 89, le mur de Berlin va tomber, la Roumanie va se libérer, la Pologne aussi, la Tchécoslovaquie aussi, l'URSS va vouloir ses armées. Oui, oh là! Il n'y a pas un. Ah, il y aura des changements. On dit que tous les années, c'est facile. Mais là, on parle de comme je te dis là, avec tout ce qui est arrivé là, non. Avec l'invasion du Panama supportée par les Russes, parce que les Russes étaient bien d'accord. Les Russes ont dit, on n'est pas tout à fait d'accord. Voyons donc. Les Russes avaient crié beaucoup plus que ça. Mais les Russes avaient peur de Noriega, comme les Américains. Tellement de petites choses. C'est le temps de pouvoir, c'est le temps de décider qu'on s'assoit et puis que là, l'homme nouveau ou la femme nouvelle qu'on a déjà stéréotypé, on va dire oui, mais c'est des mémoires, c'est de l'ego, c'est de la mémoire qui travaille pour nous. C'est de l'ego qui travaille pour nous. Cet ego-là n'est pas dangereux parce que c'est un ego qui, n'importe qui va accepter de se dissoudre. Bon. Alors, il n'y a pas de problème. Est-ce que le fait, justement, que l'ego accepte de faire un pacte, tu dirais, avec l'intelligence, d'une certaine mesure, de dire, OK, tu peux faire ton rôle de chirurgien, mais fais attention pas trop me faire mal, est-ce que ça, mécaniquement, est-ce que les mémoires se trouvent à être plus volatiles, plus facilement dissoutes? Ce qui va arriver, c'est que l'ego, le mental en réalité, va commencer à instruire l'intelligence de la façon dont on peut anégoïser un être humain. L'intelligence supramentale, je dis que ça ne valait rien, ça ne savait rien, c'était rien, tant que ce n'était pas dans de l'homme ou de la femme. Sauf que l'homme et la femme, ne sachant quoi faire avec ça, ne peut rien dire. Dans le passé, quand l'intelligence descendait et elle faisait sauter une ville au complet, on disait « merci Dieu d'avoir épargné le reste du monde ». On faisait rien. Dans l'Antiquité, on en avait peur. progressivement, on a commencé à la craindre, mais à l'apprécier. Après ça, on a cessé de la craindre, on a commencé à l'aimer. Là, maintenant, il faut cesser de l'aimer, il faut s'en servir. Bon, elle est là, c'est présent. On doit commencer à appliquer des choses et on doit commencer surtout à devenir intelligent, c'est-à-dire qu'on doit réellement intelligencer les phénomènes. C'est, ça paraît banal, on fait une conférence sur 1990, année déterminante, et puis là on va dire, je m'attendais à moi ce qui nous donne les 8 prochains numéros gagnés de la loterie. C'est tellement toujours facile, simple, idiot, niaiseux, que c'est pourquoi ça nous échappe totalement. Parce que c'est trop facile. T'as des caries, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas en avoir? Mange plus de sucre puis brosse-toi les dents. Parce qu'on le sait, ça. Parce qu'on... Mais l'intelligence... On le sait, je veux croire qu'on le sait, mais c'est ça pareil. L'intelligence, c'est pas ça qu'elle fait. C'est qu'elle t'ouvre la bouche, elle t'anesthésie pas, puis elle t'arrache les dents. Oui, mais l'intelligence, ce qu'elle fait premièrement, c'est qu'elle t'envoie des personnes te dire d'arrêter de prendre du sucre. Mais il parle pas oui, fort. Oui, mais regarde donc, c'est titré là-bas. Oui, il parle fort, mais c'est parce que c'est un être humain qui a de le dire. Que je t'ai pas pour commencer à écouter Ticlin, Tidio, machin chouette. En plus, ton médecin, il se promène en lada. Quand si lui dit, faut que tu cesses de fumer, là. Oui, là, oui. L'intelligence, ça prend les détours qu'elle peut prendre. Ça peut être n'importe quoi qu'il faut te le communiquer. On a dans l'information, en librairie et à la télévision, toute l'information qu'il nous faut. Tout ce qu'il y a, c'est que ça n'a pas la saveur de l'intelligence. Alors, on aimerait, nous autres, ça descendre en chariot de feu, là, puis la couleur qu'on veut, tu sais, si t'es un haïtien, il faut que ce soit noir. Puis là, ça vient de nous dire, voyons donc, ça, on aimerait se faire communiquer de l'information comme si on était des esclaves, totalement soumis, alors que ce n'est pas ce que nous sommes. Nécessairement, on doit procéder différemment. Quand, à un moment donné, une personne écrit quelque chose formidablement génial, bon, c'est un être humain. Puis en plus, si c'est ton voisin de palier, bon, qui connaît, lui, il peut pas être intelligent, il peut pas amener... oui ou non? La cosmogonie d'Urantia, là, ça s'est vendu à bien des places. Sauf dans le bloc appartement où restait le psychiatre qui l'écrit. Ça, c'est pas vendu là-dedans, pas tout. Le gars, c'est un psychiatre, c'est un fou, c'est pareil. Et plus tu t'éloignes, moins on connaît la source, plus c'est bon. À un moment donné, il faut qu'on change un petit peu. Parce que non seulement la source, ça peut être votre voisin. Il y a même des personnes qui viennent en conférence qui refusent de parler aux autres qu'ils ne connaissent pas. Et tu vas à la tête à lui? Ou à elle? L'intelligence, ça passe par la bouche, ça passe par le système neuronique, le cerveau, ça passe pas par le nez. Puis il y en a d'autres qui vont dire à un moment donné, ouais, mais moi j'ai fait, tu sais, t'as-tu fait le séminaire d'un tel ou d'un tel? Non, bon, pas par là. Oui, alors, l'évolution n'est pas limitée à travers deux antennes supramentales. L'évolution, elle est dans l'être humain. Alors, on n'a rien à foutre du séminaire d'un tel ou d'un tel. C'est sûr qu'après avoir fait un séminaire, tu développes un langage qui est plus rapide, spécialisé. C'est comme si vous voulez être médecin, faites un cours de médecine, et là, on parlera d'infarctus du myocarde. Mais on peut aussi parler de crise cardiaque. On peut. Sauf que le snobisme de l'évolution va dire crise cardiaque, c'est ça. Oh, un infarctus du myocarde! Ah, oh, OK! C'est pas, alors! Quand t'étais nouille, tu savais crise cardiaque, maintenant que t'as appris un autre mot, tu sais plus rien. Ça, c'est un problème. C'est le snobisme de l'évolution. Puis ces médecins-là, on n'en veut pas dans l'intelligence. Je parle de ces individus-là, à un moment donné, qui ont un snobisme à plus finir. C'est sûr que quand tu as passé par une certaine école, tu as un langage spécialisé qui te permet de sauver du temps dans la communication, soit. Mais c'est pas parce qu'un individu n'a pas le vocabulaire que c'est pas le meilleur des médecins. Prends un médecin bien traditionnel aujourd'hui, puis envoie-le voir Léonard de Vinci. Léonard de Vinci est un andouille total. Sauf que c'est Léonard de Vinci, prends le médecin, puis désinstruis-le, puis mets-le à côté de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci en vous tourne même pas. Alors, il faut faire bien attention à ce snobisme de l'évolution. Mais quand on parle... Bon, 90, c'est le temps. C'est le temps de faire des choses qui ont toujours été annoncées dans le passé, mais avec une valeur intelligente, pas avec une valeur émotive. Si je dis, par exemple, c'est le temps de parler un peu plus avec d'autres individus, de façon à découvrir où l'intelligence se cache. Tu as déjà dit dans une conférence spéciale que 1900... pas 1990, mais le 31 décembre ou à la fin de l'année, fallait se débarrasser de certains objets qu'on ne sert plus, justement, qui nous gardent ancrés dans les vieilles mémoires. Est-ce que c'est encore... C'est toujours le temps. C'est toujours le temps de faire un ménage. C'est la dernière conférence régulière à 89. C'est toujours le temps de prendre tout son vieux linge, ses vieilles cochonneries, si on peut, tout balancer ça ailleurs. C'est le temps de perdre ses habitudes, c'est le temps de faire énormément de choses. Pourquoi? Parce que, archétypalement, du point de vue du monde de la mort, du point de vue astral planétaire, on a de l'énergie pour nous aider à transiter. C'est acceptable par la majorité des égaux si vous changez. On va vous l'autoriser. Mais rendu à fin mars, là, on ne vous autorise plus à arrêter de fumer. T'sais? Mais quand c'est en janvier, tu vas arrêter de fumer, là, c'est compris par bien du monde. C'est con. C'est con. Mais profitons de l'occasion. Tu sais, les peu de fois que ce qui est con peut nous être utile. Et ça, c'est se servir de la forme, et ça, on devra apprendre à le faire au 190. Comme, par exemple, le bloc du mois de janvier, au niveau des conférences, on parle de... En tout cas, de prospérité, on parle d'abondance. On parle d'abondance énergétique et de plusieurs phénomènes. Comment y parvenir à l'abondance, comment la conserver, comment la partager. Oui, quelqu'un va dire, la partager, voyons donc, quand tu es supramental, tu ne partages rien. Tu partages avec qui ça doit être partagé? Il y a une grosse nuance. Puis comment la conserver, c'est une affaire. Il y en a beaucoup avec qui montent, puis qui tombent aussi vite, sinon plus bas. À cause, c'est toujours le petit égo. En tout cas, on va en reparler, mais faut s'arranger pour bâtir avec 90, c'est le temps. Pas à cause des chiffres, à cause énergétiquement. On aurait pu être le 6 juin 1987, puis j'aurais tenu le même discours. Mais qu'est-ce qui se passe énergétiquement, justement, pour que... est-ce que le supramental a plus facilité à toucher la Terre? Au niveau de la galaxie, la Voie lactée, qui est notre galaxie, je dis qu'il y avait un émetteur très puissant d'énergie cosmique, qu'on appelle l'énergie supramentale dans le langage québécois du fin 20e siècle. Et étant donné qu'il y a énormément de masse, de poussière, la majorité de notre galaxie est cachée actuellement à notre vision. Disons, du point de vue astronomique, on ne voit pas. C'est pourquoi on ne voit pas beaucoup d'étoiles. On voit un peu la petite aileron de la galaxie, c'est la ligne de la Voie lactée. On ne voit pas le cœur. Il y a des trous là-dedans, et à partir de 67, 64, 63, mais 67 un petit peu plus puissamment, et ça s'est accentué, le système solaire traverse, passe dans une région galactique, on est en orbite autour du noyau, et on passe dans une région où il y a un peu plus d'énergie. Bon, on fait le tour à toutes les quelques milliers d'années, de notre galaxie. Et ça s'accentue et ça va commencer à se ternir à partir de l'an 2023, approximativement. Alors, on rentre de plus en plus dans le puissant. Et ça va commencer à diminuer en 2023. C'est donc le temps d'en profiter. Énergétiquement, il se passe plusieurs choses de cette sorte-là. Puis c'est pas une question, on parle d'intervention extraterrestre. C'est extraterrestre, l'énergie ne provient pas de la Terre. Mais c'est pas un extraterrestre 1m23 qui se promène avec des souliers en métal, etc. Souvent d'ailleurs, ce sont les extraterrestres. Mais c'est, il y a un changement au niveau de la conscience. Puis l'être humain qui est trop mental, pas intelligent, une nuance. Le mental, on est psychologique, émotif, on devient intellectuel, on devient mental et on devient intelligent. Le mental est une logifération, c'est-à-dire qu'il va additionner mathématiquement des choses en fonction des données qu'il a. L'intelligence accepte des nouvelles données en plus, des données qui ne sont pas prouvables, des données qui sont prouvables par le fait qu'elle les reconnaît. Bon. Alors, l'être humain intelligent va, par exemple, accepter des choses que le mental n'acceptera jamais. Et on a donc des supramentaux, puis on a des hypermentaux. Hein? On a des manteaux. Des manteaux du verre. Donc, l'individu qui, en 90, s'attelle, c'est comme si on doit rentrer dans une école. En 90, notre école, où on regarde, rajeunissez un petit peu. On ressasse toute notre philosophie du passé, tout ce qu'on aurait voulu être, etc., là, tout ce qu'on semble qui serait bon, là, qu'on a toujours manqué notre coup, là. Puis là, on fait le bilan, on amène tout ça maintenant, là. Puis là, on regarde avec tout ce qu'il faudrait qu'on soit. Bon, est-ce que ce qu'il faudrait qu'on soit ou est-ce que c'est ce qu'on ressent qu'on est? Mais c'est ça. Qu'on a toujours été, alors, puis que c'est pas à partir de Daniel Kemp qu'il faut que tu détermines ce qu'il faut que tu sois. C'est à partir de ce que tu comprends, de ce que je dis, de ce que tu comprends, de ce que tu penses, ou de ce que tu te dis. C'est évident. Bon. L'individu fait le ramasse ce qu'il a besoin, et là, il doit commencer à se tenir là-dedans. Exactement comme si je dis, vous avez rampé pendant 2000 ans, ben, dans les prochaines années, tous ceux qui sont debout vont se faire ramasser. Ça, c'est le temps de te lever. Là, tu peux dire mémoriellement, oui, mais il y a 20 ans, je me suis jeté debout pendant un an. J'ai un cul mal au dos. Oui, je comprends. C'est parce que c'était pas le temps que tu tiennes debout. Mais pourquoi que j'avais la vision, il fallait que je me tienne debout? C'est justement parce que de l'avenir se réincarnent aussi des mémoires, puis là, à un moment donné, tu as eu la vision qu'il fallait te tenir debout pour t'en sortir. C'est vrai. Mais la date, les dates, l'avenir est toujours en mouvement. Il n'a pas de date. Fait que souvent, l'individu se dit, oui, mais gars, j'ai l'impression que ça va réussir, mais ça fait 20 fois que j'ai l'impression que ça va réussir. Ça n'arrive jamais. C'est toujours repoussé. 90, c'est une année très, très, très importante pour commencer à appliquer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont cesser de se repousser. Puis il y a beaucoup de changements qui vont se faire plus réels. Autrement dit, il y a beaucoup de philosophie de l'évolution qui va commencer à devenir pratique. Comment faire pour cerner ce qu'on est réellement, contrairement à ce qu'on aurait voulu être ou ce qu'on voudrait être? Bon, la façon la plus facile, tu travailles pour démolir tout ce que tu ne veux pas être. C'est plus simple. Il va rester ce que tu es. Tout ce que tu fais actuellement que tu n'aimes pas, que tu es contre ça, tu essaies de le démolir. Oui, puis encore une fois, je répète, c'est important, c'est qu'on intelligencie les choses. Cela veut dire qu'on ne peut pas se culpabiliser, on ne peut pas se maudire. Qu'est-ce que c'est qu'un animal humain? L'animal humain, c'est celui qui agit comme le troupeau. Qu'est-ce que c'est que l'élite? L'élite, c'est l'individu qui se différencie du troupeau. Est-ce qu'il est meilleur cosmiquement? On s'en fout. Ça peut être mais le c'est bouton l'élite, noir. Il se différencie du troupeau. Mais avec l'intelligence qui vous habite, vous savez ce qui doit être élitique chez vous. Et ça ne sert à rien de dire « oui, mais si l'autre, on sait ». De toute façon, on pourra en parler longtemps, mais je n'aime pas trop en parler parce que vous le savez déjà. Le point focal à bien s'implanter, c'est qu'on est dans une année pivot. L'année pivot veut dire qu'il y a énormément de tentatives dans le passé qui n'étaient que l'expression trop avant-gardiste, anachronique, d'une perception de quelque chose qui devrait arriver à un moment donné. C'est comme tu perçois qu'un jour il y aura le feu, ben t'arroses ta maison. Mais c'est dans 2 ans qu'il y aura le feu. Fait que comme t'arroses tous les semaines, ben à un moment donné, tu mets toutes les poubelles, c'est tout faux. La journée que le feu prend, il n'est plus. Tu peux pas arroser. 90, 91, 92, il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans ce que l'humain avait pressenti avant. Alors c'est pour ça que c'est le temps de ne pas de sortir de la désillusion de l'évolution pour recommencer comme à neuf, on ne part pas à neuf, à tout ce qu'on est, tout ce qu'on sait déjà. C'est pivot. L'intelligence va être beaucoup plus asservissable par l'humain, par le mental de l'homme, mais l'ego ne pourra pas prendre le dessus. Alors c'est réellement le temps de d'évoluer, là, c'est le temps d'évoluer. Là. Vous ne pensez plus que vous allez évoluer, vous allez commencer à changer, c'est le temps. On fait une pause.